pour moi péjoine vous. Mais jamais séparé. En sentiment fou, capable de moi envie voler pour moi péjoine vous. En sentiment. Sentiment fou, d'abord moi envie voyager, pour moi péjoin vous, pour nous péjoin séparer. En sentiment fou, d'abord j'ai moins envie voler, pour moi péjoin vous, fini pour nous péka danser. Moi qu'à mander ou, mais pour qui ça, ou pas qu'à quoi moi sincère, laisse-moi. Qu'à dire que moi aimé ou un qui vous doudou. Qu'à espérer, mais si bon Dieu fait moi payer pour l'amour. Nous que désirer nous compter pour. Pour péjà comprendre, hanter par vous en l'eau l'amour. Baby, I'm so